On dit quoi? Ma indi. Ma indi. Ah, comme dans l'exercice. Ma indi darajatou. A indaka qalamoun? Ma indi qalamoun. Taïm. Ma indi qalamoun. Ou tu dis naam, indi qalamoun, comme ton nom. A indaka daftaroun? Naam, indi daftaroun. A abouka tajiroun? La abi laysa tajiroun. Taïm. Ou abi laysa bitajirin, on verra. Min aina Muhammadoun? هو من الهندي. طيب هو من الهند. très bien. ما لغته؟ لغته الأردية. très bien. أين أبوه؟ أبوه في فرنسا. طيب. أين أمه؟ أمه في الكويت. طيب أو في البيت أحسن. من أين حمزة؟ حمزة في المطبخ. مطبخي. Masjid, donc des vrais matmar. On a rendu les, la femme, on l'a mise au Kuwait, Hamza, on l'a mise dans la cuisine. Et après, la soeur, on va la mettre où dehors. Hamza, c'est Masjid. Masjid, donc l'on fait. Après, on va s'arrêter là. Aïna Hamza, min aïna Hamza. Taïb, ma lughatuhu. L'arabe. Vous regardez les frères, c'est un exercice. Alhamdulillah, si c'est un arabe, l'ouratul arabia, aïna abouhu, inshallah, fil masjid, hakada, nuhsan dan la taïb. On essaie de doubler les exemples de France. Alaykum salam. Ma l'ouratuhu, l'ouratul arabia. Aïna abouhu. Abouhu fil mustashfa. Taï, aïna zaynabu. Hiya fil matbakhi. Taï, aïna zawjouha. Hua fil masjid. Taï, zawjouha mudarrisoun. La. La quoi là La. Laïsat me descend. Son mari. Hein? Son mari. Aïna Zoujoua. Il a dit on va faire le masjid. Azoujoua Mudarrisoun, tu dis La Laïsat et Mudarrisoun. Vous avez préparé l'exercice Mais ouais. Va faire le farah, fima yali Damir. L'exercice d'aujourd'hui, Barakallahu Fikoum, ça parle des Damir. Et Damir, c'est l'équivalent des pronoms. Taïf. Et on verra, barakallahu fikoum, le dhamayr imam muttasil ou imam munfasil. Ma'ana hadha al-kalam, des termes plus simples qu'il y a dans les termes français. C'est-à-dire, il y a des dhamir, des pronoms, saber, qui vont être accrochés, par exemple, au verbe ou au mot. Et il y a des pronoms qui seront détachés. Exemple, ana. Ana, c'est quoi ? C'est un dhamir. Et ana, il peut être détaché. Vous me suivez ? C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire quoi, détaché ? C'est qu'on peut commencer à parler avec. Tu dis « Ana muslimun ». Vous me suivez ? Voilà. Par exemple, si j'ai dit « Hada qalamuka ». Là, il y a deux mots. Il y a le qalam et il y a le kaf. Et le kaf, c'est « damir ». Est-ce que je peux dire « ka qalamun » ? Là. Vous m'avez compris, là ? C'est pour ça qu'on dit « damir » muttasil. Muttasil, on va dire en quelque sorte « accroché ». Ou « munfasil » détaché, ça c'est des termes à moi pour que vous compreniez plus facilement. Taïb. Alors quand je te dis par exemple ana muslim, anta muslim, anta talibun, anta dhamir, vous avez compris, le anta c'est un dhamir et le dhamir là tu peux parler avec. Ma ra'itu illa ant, également il peut être quoi après illa, mais il y a des dhamir comme on va le voir ici, il ne peut pas être détaché du mot ou du verbe. Par exemple tu peux pas dire Dahab tout, et tu mets le tout ici détaché. Dahab, et tu dis plus loin tout. Est-ce qu'on parle comme ça ? Toi, si à sa mère vous me dites je suis parti, vous allez dire quoi ? Dahab tout. Voilà. Est-ce qu'on peut dire Dahab, après plus loin vous mettez tout ? Hein ? Non. Est-ce qu'on peut commencer avec tout et va mettre. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est un pronom qui doit toujours être attaché. Vous avez compris ? Et quand on parle d'une. Par exemple, si on parle. D'une chose qui est masculin singulier. Par exemple, ça on dit quoi ? Qalamuhu. Le dhamir ici revient à qui ? À Mahdi. Est-ce qu'on peut dire qalamun après plus loin hu ? Là, on ne peut pas. C'est bien compris ça ? Voilà. Également, quand je dis la chose qui m'appartient, on dirait quoi ? Qalami, le ya. On ne peut pas dire qalam et plus loin ya. Yi. Par exemple, le stylo de Wahbi. Je dis qalam, ka. Ici, c'est une sœur, Qalam, qui.